Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan sont fiers de vous présenter les palmarès C'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine, ben on a un paquet de nouveautés et de choses à entendre. Mais avant ça, je dois vous annoncer la bonne nouvelle. Alors, on a plus de top 15 francophones anglophones, on a deux top 20 maintenant. Donc beaucoup plus de musique, beaucoup moins de contenu, beaucoup moins de blabla. Seulement le meilleur, la crème de ce que C'est fou à vous offrir. La semaine passée, pour ceux qui ne savent pas, les numéros 1 étaient du côté francophone Omicron avec The St. Catharines et la pièce vedette, alors que du côté anglophone, c'était New York Dolls et Cause I Says So. Est-ce que c'est toujours le cas? Il va falloir rester avec nous jusqu'à 20h environ pour savoir la bonne réponse et vous donner une belle petite tape dans le dos. Comme c'est un début de changement de choses, on a plein de nouvelles entrées, des tonnes et des tonnes. Je les donnerai pas toutes tout de suite, on va en entendre là, pour la prochaine heure, je pense. On va commencer par les 20e positions, évidemment, elles sont toutes les deux nouvelles. Du côté anglophone, tantôt on va entendre Matthew Craft avec 1000 Cigarettes, mais avant ça, voici la nouvelle pièce du nombre. C'est Couleur naturelle et ça commence maintenant au Palmarès C'est fou, maintenant en Super Size, mais toujours jusqu'à 20h. Pour que tu disparaisses. Oui, tu Mastercraft et 1000 Cigarettes, nouvelle entrée en 20e position des palmarès cette semaine. L'album Fist of God, et ça c'est du côté anglophone évidemment. Avant ça, on a entendu une nouvelle entrée du côté franco, Le Nombre avec Couleur Naturelle de leur CD Ville et Fantastique. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, si vous n'avez pas écouté le début de l'émission, vous savez pas encore qu'on a maintenant 20 positions de chaque côté, c'est tout nouveau ça, c'est le fun. On va se rendre jusqu'à la fin de l'émission à 20h le vendredi soir, ça va être super. J'aime bien gros ça. Allez voir assemblagerequis.com pour toutes les informations sur l'émission d'aujourd'hui. Pour les liens de ce qu'on pourrait peut-être mentionner plus tard, c'est www.assemblagerequis.com. Pourquoi assemblagerequis.com? Parce que Kiwan et moi, hein? Kiwan, c'est la personne qui coanime les palmarès avec moi d'habitude, mais bref, Kiwan et moi, on va animer Assemblage Requis, l'émission du retour. Ça va être du lundi au jeudi de 15h à 17h et ça commence le 8 septembre. Assemblage Requis. On est rendu aux 19e position du côté anglophone. C'est nouveau et là, ça va être nouveau pour un bout, donc je vais peut-être arrêter de le dire. Hein? 19e anglophone, c'est Obijou avec Black Ice. C'est mes albums Beacons. Mais avant ça, voici les Sprats avec 4x4. Vous êtes assez fous et c'est les palmarès au 89.1 FM. C'est fou ça. Yeah. La formation Au Bijou et Black Ice, nouvelle entrée en 19e position anglophone. Avant ça, c'était les Sprats avec 4x4. Pièce assez répétitive, mais étrangement, c'est intéressant. Je trouve ça cool. 4x4 dans mon 4x4 dans mon 4x4, c'est le fun. Ça vient de l'album Joanne chante les Sprats avec une excellente pochette. Une madame avec une bande noire sur les yeux. C'est intéressant. On continue avec les 18e positions. Et je vous rappelle que tout est nouveau pour l'instant, pour au moins, je dirais, la première heure. Hein, y a beaucoup de nouvelles choses parce qu'on passe d'un top 15 à un top 20, donc on ajoute des affaires pour rendre ça intéressant pour nos nouvelles émissions quotidiennes qui démarrent le 8 septembre. Il va y avoir de 7h à 9h la pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. En 11h, ça va être le dîner de cons, oui, et nous, Kiwan et Mathieu. Hein? À 15h, ça va être assemblage requis. On va s'amuser du lundi au jeudi, comme ça, ici à C'est Fou 89.1 FM. Allez voir cfou.ca pour plus de détails et la nouvelle programmation qui débute en fait lundi le 31. Il y a toutes les autres émissions qui s'ajoutent et puis ce sera complété à partir du mardi 8, après le jour du travail. On était rendu au position numéro 18. Du côté anglophone, on retrouve The Junction et No Road. Mais avant ça, voici une nouvelle entrée de la Patère Rose. C'est la Marelle et vous êtes dans les Palmarès. C'est fou, un condensé des 20 pièces francophones et des 20 pièces anglophones les plus appréciés des animateurs de C'est fou. Hein? C'est pas le slogan, c'est un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir jusqu'à 20 ans. C'est fou The Junction et No Road en 18e position anglophone. C'est la dernière nouvelle entrée de ce côté-là. C'est bien de l'album Another Link in the Chain. Et on a précédé ça de La Pâte à Rose et leur nouvelle pièce, La Marelle. Sérieusement, cette pièce-là est tellement géniale. J'ai entendu ça dans une pub à un moment donné, puis je me demandais, c'était quoi ça? Ben, c'était La Pâte à Rose. Et puis là, ben, c'est sur le palmarès aussi fou. Et vous allez entendre ça pas mal dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça va monter rapidement. C'est La Pâte à Rose. Et je trouvais que ça fitait très bien avec la position d'avant... du côté anglophone, la 19e, au bijou, là. Au bijou, la pâte à rose, c'est dans la même lignée, la même veine, je trouve. Maintenant, on a terminé les nouvelles entrées du côté anglophone, mais il nous en reste plusieurs du côté franco, donc on va se les taper rapidement, comme ça, une à la suite de l'autre. Commençons par la 17e position. C'est Mille Monarques, voici Rouge. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Commencez de la meilleure musique que Cifou a à vous offrir et allez nous écouter en direct sur Internet au www.cifou.ca. Sous tes bras qui gèlent autour de moi, mes lèvres sèches s'écorchent, ils cherchent ta langue de bois. Parle-moi de mensonges, mon célèbre pris dans une heure de lumière. Vers toi dans mes songes,

l'air, respirer, prendre un verre à ta santé. Tu y pensais plus du tout, tu commençais à voir le bout quand t'as appris qu'elle avait laissé celui qu'elle aimait. T'avouer partout, t'avouer partout. Devant elle pour le grand coup, que tu l'aimes, que tu voudrais la soigner dans tes bras pour de vrai, que t'en peux plus de te coucher sous, de te traîner à genoux. Reviens donc dans ma vie, viens voir tout ce que j'ai appris. Je te vois partout. Numéro 14. Matrick et Satellite Mind qui descendent d'une place, c'est en 14e position anglophone, c'est leur album Fantasies. Et avant ça, on a entendu Calhoun Saloon, nouvelle pièce, c'est Ta Voix Partout. Ça vient de leur maxi qu'on vient de recevoir, c'est fou. C'est un style, j'aime beaucoup cette pièce-là en particulier, Ta Voix Partout, mais le reste de l'album est pas mal country. Je suis pas encore certain d'apprécier tant que ça. Avant, on a sauté par-dessus la 15e position anglophone, Sub et Black Gold qui descendaient de 5 places. On a entendu Yann Perrault avec Conduis-moi, c'était aussi une nouvelle pièce du côté francophone en 15e. Maintenant qu'on est à jour, hein, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, t'sais, genre une 10-15 de minutes, il s'est passé telle affaire. Et j'ai été voir ça sur mon Twitter, hein, parce que les Palmarès C'est Fou ont un Twitter, c'est vrai. C'est au twitter.com/palmarès c'est fou. J'apprenais là-dessus que l'événement Zombie Walk Trois-Rivières 2009, ce soir, au centre-ville, c'est là que ça se passe. Ils disent partout que c'est un flash mob. Il me semble, selon moi, l'idée d'un flash mob, c'est que t'es pas trop supposé l'annoncer partout. Supposé l'annoncer à un groupe select, puis après ça, surprendre les gens. Là, j'ai entendu parler de ça dans toutes les radios, les télés, les journaux, peu importe. Tout le monde le sait qu'il va y avoir un flash mob, tout le monde va l'attendre, ils vont faire comme « Ah, c'est quand le flash mob? Ça s'en vient dessus, je t'en ai! » En tout cas, c'est pas vraiment un flash mob, c'est plus une foule de gens qui font quelque chose de bien prévu et prédit. Et bon. Allez voir sur Facebook pour la page de l'événement, ça s'appelle le Zombie Walk Trois-Rivières 2009. Ils disent « On danse pas Thriller ». Non. Ça va être au centre-ville. C'est ça dit samedi. Est-ce que c'est ce soir ou samedi? Ah, ça dit samedi sur l'événement Facebook. On va dire samedi. 29 août de 22h à 23h30. Centre-ville de Trois-Rivières. Allez voir les informations. C'est bien samedi, oui. 22h pile. C'est confirmé sur Facebook. Et quand c'est sur Facebook, c'est vrai. C'est de même. On va continuer nos palmarès, c'est fou, nous, parce qu'on a plein de bonne musique d'ici à la fin de l'émission à 20h. On va savoir à 20h, un petit peu avant, qu'est-ce qui est numéro 1. On rappelle que la semaine passée, les numéros 1 étaient Omnicron avec The St. Catharines. La pièce s'appelle Vedette. Ça, c'était du côté francophone. Alors que du côté anglo, on trouvait Cause I Says So des New York Dolls. Est-ce que ça tient toujours? C'est numéro 1? Je sais pas. On va voir d'ici la fin de l'émission. On va l'entendre même. On est rendu aux positions numéro 13 et là, on est revenu à la normale. Donc, on joue vraiment le francophone anglophone comme on fait toujours, ou presque. Du côté anglo, tantôt, on va voir Dinosaur Jr. qui était une nouvelle entrée la semaine dernière. Ça monte de 2 places. Mais avant ça, voici Malajube et leur excellente pièce Cristobal. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM, mais ce jusqu'à 20h. numéro 13. Dinosaur Jr. et Pieces qui montent deux places du côté anglophone en 13e position. Avant ça, on a entendu Malajub et Cristobal qui montent aussi de deux places avec l'album Labyrinthe. Vous êtes au Palmarès Cifou, c'est un condensé de la meilleure musique que Cifou a à vous offrir, mais ça, c'est pas juste un slogan, c'est vraiment les animateurs de Cifou qui décident qu'est-ce qui monte en les faisant jouer. Hein? Et il va y avoir beaucoup d'animateurs à partir de la semaine prochaine, en fait, à partir du 8 septembre. C'est pas la semaine qui s'en vient, mais l'autre après. Il va y avoir plein de nouvelles émissions quotidiennes. Mentionnons-les, hein, pour être gentils et en même temps pour que vous les écoutiez. Hein, de 7h à 9h le matin, c'est La Pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. Une émission d'information, d'actualité, de plein de divertissements et de musique de palmarès, évidemment. Ensuite, de 11h à 13h, c'est le Dîner de cons avec notre ami André Baudet et notre autre ami Denis Janvier. Tout le monde sont nos amis, tu sais, Marc et Sylvain aussi. Tous les amis. C'est une belle gang, assez fou. Ça va être des niaiseries, comme on appelle, entre 11h et 13h. Non, mais sans blague, il va y avoir des faits divers. Il va y avoir des discussions sur des choses qui se passent dans l'actualité aussi, mais tu sais, qui peuvent être drôles. Ces gars-là, ils vont être drôles. Ils vont recevoir des invités drôles. Ça va être le fun. Ça, c'est de 11h à 13h, le Dîner de cons. Et puis, Kiwan et moi, qui animons les palmarès, je suis tout seul, mais quand même, je l'inclus, Kiwan et moi. On va animer Assemblage requis de 15h à 17h. Ça va être l'émission du retour, hein, en musique, en invité, en chroniqueur. Tout le monde va avoir des chroniqueurs dans les trois émissions, mais tu sais, les nôtres, en particulier, il va y avoir les mythes du rock'n'roll. Il va y avoir des sorties culturelles underground. Hein. Il va y avoir... Qu'est-ce qu'il y a? Alors, plein de choses, des découvertes musicales. Hein, on va écouter de la musique à aller télécharger. Un paquet d'autres affaires comme ça, ça va être vraiment cool. Je sais que j'oublie des gens, mais je peux pas mentionner tout le monde. Là, ça. Il y en a plein. Ils sont tous là. On va discuter avec eux. Et puis, on va en parler en grand détail à partir du 8 septembre. Tout ça, de 7 à 9, de 11 à 13, de 15 à 17. Ça va être merveilleux. Allez voir cifou.ca pour beaucoup plus d'informations sur ces nouvelles émissions quotidiennes et pour voir la nouvelle programmation d'automne qui, elle, commence le 31 août. Voilà. C'est un lundi, ça. C'est lui qui s'en vient juste là. Après la fin de semaine. Donc, comme je disais, vous êtes dans les palmarès Sifu. On était rendu aux positions numéro 12, c'est vrai. Du côté anglophone, on va monter de deux places en compagnie de Surefire Machine. Mais avant ça, voici les violents cachalots qui, eux, sont stables avec François Legault. Tout de suite, et elle commence drôle. Salut, Max. Hey, sais-tu que ça fait, du H? Quelque part à Saint-Eustache, dans un sous-sol en carton, un gars avec tellement de CD qui peut même plus respirer. Ses cartes de crédit sont loadées, il arrête plus d'en acheter. C'est un ami de l'oblique, puis du CD ésotérique. François, François Legault, vendrait sa mère pour un record. Oh, François Legault, t'es pas tout seul. Dans la bouteille, y'en a 36. Puis c'est aussi le nom d'un ministre. Puis l'ancien chum à Marie-Pierre. Et puis du chum à Marilyn. Mais François, t'es mon geek à moi. C'est parce qu'y'en a rien qu'un qui m'appelle. Mais laisse des messages sur mon répondeur. M'annonce les choses qui viennent, même ceux qui ignorent les promoteurs. Parce que tout est écrit dans son petit carnet. Il collectionne les téléphones, les sorties de disques que personne connaît. Les choses que jamais personne. Et François Legault vendrait sa mère pour un record. Oh François Legault, t'es pas tout seul. Dans le bottin, y'en a 36. Puis c'est aussi le nom d'un ministre. Puis l'ancien chum à Marie-Pierre. Et puis du chum à Marilyn. Mais François, t'es mon geek à moi. C'est acheter une robe de Radiohead pour la donner à sa future blonde. Arrive des shows 3 heures en avance pour checker des places pour tout le monde. C'est parce qu'il y a pas de linge dans ses tiroirs qui sont remplis de jeux vidéo. C'est parce que JF doit pas mal de cash. Et avec le reste, elle jette du H. Mais François Legault vendrait sa mère pour un record. Oh François Legault, t'es pas tout seul. On a tous la même Et Violent Cachenoué et François Legault stable en 12e position francophone. C'est la fin de la première heure des Palmarès. C'est fou. Il va y en avoir une deuxième tantôt avec entre autres la musique de Surefire Machine, The Dead Weather. Il va y avoir le Roi Poisson là-dedans, du Elephantine et un paquet d'autres choses. Et on va terminer ça d'ici à 20h avec les numéros 1. Est-ce que ce sera encore Omicron et The St. Catharines ou de l'autre côté anglophone, New York Dolls? Je ne sais pas. Il va falloir rester avec nous jusqu'à 20h. Puis rester avec nous après ça pour la dernière porte à gauche. Et puis, restez donc juste. Jusqu'après la pause pour commencer. Allez-y, une étape à la fois. Je sais que vous êtes pas vite. C'est une joke. Je vous aime. Mercredi de 19 à 21h. Émission entièrement consacrée au hip-hop. Sur les ondes de C'est Fou 89.1. C'est un portail d'information sur votre radio. Les actualités de l'UTVN et les spectacles à voir absolument. C'est pour moi, c'est le palmarès des concours forums. C'est pour moi, c'est le site de Radio Universitaire où vous visitez de la francophonie. C'est vous.ca, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne, partout sur la planète. C'est vous.ca, c'est pour ça. Une présentation de vos deux. Vous voulez annoncer sur les ondes de C'est Fou et vous ne savez pas comment? Appelez-moi, François-Olivier Marchand, au 376-5184, poste 3. Ou écrivez-moi à dpcfou@commercial.uqtr.ca. Pour une publicité censée à prix ridicule, n'hésitez plus. Vous écoutez les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. Et bon, attends, vous êtes toujours au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2009 et je m'appelle toujours Mathieu Plante. C'est la deuxième heure de l'émission et on continue jusqu'à 20h. Mais ce qu'il y a de particulier et de spécial à partir de cette semaine, c'est qu'on est d'avoir deux top 15 du côté franco et anglophone, mais on a deux top 20. Hein, plus de musique, moins de blabla de ma part et beaucoup plus de plaisir pour vous, tu sais. Je veux dire, plus il y a de musique, plus c'est le fun, c'est logique. Faut comprendre, c'est évident, là. Hein? Pensez un peu. On est rendu aux positions numéro... En fait, on a entendu la position numéro 12 francophone, c'était les Violents Cachalots. On était rendu du côté anglophone et elle monte de deux places. Voici Surefire Machine et le morceau. Hein? Le morceau. Une pièce de viande. 69 Nova. Tout de suite. On parlera assez fou jusqu'à 20h et vous êtes assez fou. C'est ça. We'll be right back. La pièce 69 Nova, la formation Surefire Machine en 12e position anglophone, ça monte de 2 places. C'était nouveau la semaine dernière. Avant ça, on a entendu les Violents Cachalots et François Legault qui est aussi stable en 12e. On monte tranquillement pas vite comme ça, c'est vrai. Mais vous pouvez aller voir le www.cif.ca pour savoir ce qui s'en vient à ces fous. Est-ce que vous saviez ça? Hein, j'insère ça de même en plein milieu d'une phrase, moi, c'est. C'est de même que je marche, là. C'est how I roll. Hein? www.cif.ca, là-dessus, il y a la programmation, il y a des balado-diffusions. En parlant de balado-diffusion, ça me fait dire autre chose, ça. C'est-tu pas merveilleux? Sur cif.ca, section balado-diffusion, il y a une entrevue qu'on a accomplie. En fait, c'est Kiwan qui l'a accomplie, mon coin maker, récemment. Ici, sur le cif.ca, c'est avec la formation Chien Dent. C'est bien, hein? Chien Dent, qui d'ailleurs est en spectacle ce soir au Charlot. C'est vers les 20h. Ça vous intéresse, Chien Dent. Allez voir sur cif.ca pour entendre l'entrevue. Peut-être que ça va vous intéresser encore plus. Et là, vous allez dire, mais Colin, il faudrait bien que j'y aille à ce Charlot-là ce soir à 20h. Ben voilà. C'est magique comme ça, cif.ca. Je veux dire, tu regardes ça puis tu trouves ça vraiment génial. Ou quelque chose de plus qualificatif que ça encore. C'est malade. Bon, cif.ca. Et j'arrête de m'énerver. Hein? On est rendu aux positions numéro 11 du côté anglophone. Ça m'énerve ça aussi. Dans le sens que j'adore ça, pas énervé. Ça a l'air négatif quand tu dis énervé. Hein. Ça m'excite. Ça a l'air un petit peu trop positif, excité. Je sais pas, il y a comme un juste milieu à faire entre les deux. Donc, The Dead Weather avec Hang You From The Heavens, ça monte d'une place. Mais avant ça, voici une pièce qui est stable de la formation Crash Ton Rock. Ou Crash Ton Rock. Et étonnamment, elle s'appelle aussi Crash Ton Rock. Hein? T'sais. Vous êtes au palmarès, c'est fou jusqu'à 20h. C'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Je suis heureux parmi les loups. Je fréquente les punks et les voyous. Les samedis soirs, je me rends sous, je rentre dans les à genoux. Je fume encore même si c'est ma joie. Je me sens pas mal. J'te un imposteur pour les rebelles. J'te un parasite pour la dentelle. Je prends ma place parmi mes pères. Ma différence me rend fière. J'ai pas besoin d'approbation. Mes rétracteurs sont des moutons. Non, y'en a toujours pour. Crash the drop. Je ne recherche pas de catégorie. Je veux être ce que je suis sans compromis. Ma coupe de cheveux ne m'importe pas. J'ai peut-être la salle, mais c'est comme ça. On fait pas de game avec la crash. Je veux pas que tu m'aimes ni faire la face. Non, y'en a toujours pour critiquer. Que tu fais pour se monter? Y'en a toujours prêt à juger ta manière d'être habillé. Mais nous sommes blancs, jaunes, rouges et noirs. Tous différents et pleins d'espoir. La différence fait notre force. Et c'est ensemble qu'on crache le truc. Ensemble qu'on crache notre rock. Flash de Troc. Numéro 11. Dead Weather et Hang You From The Heavens en position numéro 11 anglophone, ça monte d'une place. C'était nouveau la semaine dernière, ça. Et avant, on a entendu Crash Ton Rock avec leur pièce homonyme, Crash Ton Rock, de leur album Des Rats Parmi Les Loups. Et ça, ben, c'est Stable aussi. Non, ça, c'est Stable l'autre qui montait d'une place. Je m'écoute même pas parler, faut que... ouais. Vous êtes au Palmarès Sifu, un condensé de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir. Et maintenant, on a un top 20 de chaque côté. C'est vrai, c'est plus un top 15, c'est un top 20. Hein, on aime ça et ça va continuer pour le reste de la saison comme ça. Pourquoi? Mais en particulier, entre autres. Ça peut-tu être en particulier et entre autres, je pense pas. On va choisir un des deux, disons entre autres. Hein? Parce que les nouvelles émissions quotidiennes qui démarrent le 8 septembre, c'est mardi, juste après le jour de la fête du travail. Bref, 8 septembre, il va y avoir trois nouvelles émissions quotidiennes. Le matin de 7h à 9h, il va y avoir la pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. Sur l'heure de midi, il va y avoir le dîner de con avec André et Dany. Et finalement, à 15h, c'est Kiwan et moi. Kiwan qui, d'habitude, oui, sûrement que ça en vient. Au palmarès, c'est fou. Mais bref, c'est nous deux tout le temps. C'est Kiwan et Mathieu. C'est la formule à utiliser. Kiwan et Mathieu, Assemblage requis. À 15h à partir du 8 septembre, allez voir assemblagerequis.com pour les informations que vous méritez. Je dirais, c'est assemblagerequis.com. Et là-dessus, ben, c'est aussi le site des palmarès, c'est fou. Hein? Donc, il y a les notes de l'émission et la musique qu'on a jouée. Et un paquet d'autres renseignements. assemblagerequis.com. On monte aux 10e position pour aller entendre du côté anglophone un petit peu plus tard des Month Year avec Bronze Age ou Bronzage, si on décide de le dire en français, ça monte d'une place. Et avant ça, du côté franco, ça monte de 4 places. Voici Une Clope, un café de la formation Éléphantine. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, jusqu'à 20h. Damon Fury, bronzage en 10e position anglophone, ça monte d'une place. Et c'est la deuxième fois que je l'entends, mais je suis toujours aussi surpris par le son. C'est de la musique d'énerver. Mais on aime ça, nous, des fois, la musique d'énerver, c'est le fun, tu sais, c'est bougeant. On aime ça. Avant ça, du côté francophone, c'était Éléphantine avec un café qui monte de la 14e. C'était aussi une nouvelle entrée la semaine dernière, c'est un de leur album, Le Bonheur en 3D. On a passé le point de sauvegarde ou la mi-chemin de l'émission. Hein. Maintenant qu'on commence avec 20 positions, il y en a beaucoup, il faut le rappeler. Ça va être comme ça toutes les semaines dorénavant. Donc 20 positions de chaque côté. Allez voir le www.cif.ca, il va y avoir le palmarès là-dessus. Et la programmation et la balado-diffusion. Il y a un paquet d'autres gadgets pour vos oreilles et vos yeux. Certainement pas de deltaplane encore, mais ça sera bien un jour. Côté 9e position, tiens, en anglophone, on retrouve Pale Ear Singers avec un Horse Trade, ça descend de 3 places. Mais tout de suite, on s'en va entendre une pièce du Roi Poisson qui est très bonne comme toujours, hein, le Roi Poisson. Voici Chien Galeux qui monte la 13e. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir au 89.1 FM jusqu'à 20h. We'll be right back. C'était le Roi Poisson avec Chien Galeux en 9e position francophone. On s'en va un peu, mais au retour, il y a plein d'autres bonnes musiques. On continue avec Pale Air Singers, The Mars Volta, My Son, The Bomb, Les Incendiaires, Automélodie et un paquet d'autres. On va se rendre jusqu'à nos numéros 1. Est-ce que ce sera toujours Omicron et New York Dolls? Est-ce qu'on saura? Reste avec nous au Palmarès, c'est fou! Présenté par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Yaman, le son des îles. Tous les mercredis, 18 à 19h, le meilleur du reggae de l'ancienne et de la nouvelle école avec un tel et j'en passe. Écoute ça. Yes! À chaque mois, des milliers d'internautes visitent le www.cifou.ca. Un site web exceptionnel, diffusant le signal exceptionnel de la radio exceptionnelle. Partout dans le monde. Cifou.ca, présentation d'Infotech Internet. Qu'il parle de la planète, de la santé, de science, de la robotique ou de la bêtise humaine, Michel Deschênes vous emportera musicalement en Amérique du Sud, en Europe, en Asie ou en Scandinavie dans l'émission « Des oreilles pour écouter » tous les dimanches de 17 à 19 h sur les ondes de C'est fou 89,1 FM sur le campus de Trois-Rivières. C'est fou 89,1 FM, la radio autrement. Les palmarès C'est fou sont une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Pale Air Singers et Horse Trade en 9e position anglophone, ça descend de 3 places. Et avant, on a entendu le Roi Poisson et Chien Galeux qui, elle, monte de 13, de la 13e. Oui, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Ça vient de leur album qui s'appelle aussi le Roi Poisson. Vous êtes toujours au palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Je m'appelle toujours Mathieu Plante, c'est vrai, en direct des studios C'est fou, juste à côté de la Chasse-Galerie. Chasse-Galerie qui a toujours un service aussi sympathique. Ah, que j'aime dans la Chasse-Galerie, c'est une belle place. Venez nous voir juste à côté, c'est là, là. C'est à côté, à gauche. Hein? Je pointe. Bref, vous êtes au palmarès, c'est fou, c'est vrai. Tout le monde est sympathique, tout le monde est gentil. On aime ça, on est des amis. C'est comme ça qu'on est. 8e position du côté anglophone, on retrouve My Son, The Bomb et Knockin' Fat. Ça descend de la 2e position. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce qui monte de 2 places. Ça fait seulement 3 semaines que celui-là, ça monte déjà vers le sommet. Pourquoi? Parce que c'est très bon. Voici Automélodie. Et ciao, ciao, ciao. Et vous êtes avec moi, Mathieu Plante, jusqu'à 20h. C'est vrai. www.cifou.ca pour nous écouter en direct sur Internet. www.cifou.ca. Enter. Petite guêpe, accroche-toi, je t'emmène sur ma Vespa. Accroche, cœur, je t'emmène où tu voudras. Dis-moi, comptes-tu jouer les guêpes toute ta vie? Et pourras-tu m'aimer même si je t'aime? Tu n'entends pas,

Du Knock in Fuzz de My Son the Bomb, lancé numéro 2 qui descend à la 8e position. C'est mes albums Are We There Yet? Une des pièces que je préfère sur le palmarès en ce moment. C'est toujours très très bon. Avant ça, du côté franco, c'était Automélodie et Ciao! Ciao! Ciao! Hein? 3 points d'exclamation, 1 point. En tout cas, ça monte de 2 places. C'est en 8e francophone. Vous êtes toujours au palmarès. C'est fou. On a lancé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'est vrai. On termine à 20h. Il nous reste environ 1h15 pour se rendre au numéro 1. Hein? Les numéros 1 qui, la semaine dernière, étaient du côté francophone Omnicron avec The St. Catharines et la pièce Vedette. Alors que du côté anglo, c'était New York Dolls avec Cause I Says So. On les a toujours pas entendus. Donc, ça pourrait potentiellement être encore les numéros 1. C'est possible. On a déjà vu plus bizarre que ça. Hein? Pas mal souvent d'ailleurs. En 7e position anglophone, ça monte de 2 places. On trouve The Mars Volta avec Halo of Nembutals. Mais tout de suite, on s'en va entendre Les Incendiaires. Voici La Menace Digitale. Vous êtes au 89.1 FM. C'est fou ça! Yeah. Ouais, elle commence lentement, c'est juste... c'est normal. Hey, vous êtes au Palmarès C'est fou jusqu'à 20h avec Mathieu Plante et peut-être Kiwan bientôt. Espérons-le. Mm-hmm. Mars Volta et Halo of the Beatles en 7e position anglophone, ça monte de 2 places, ça vient de leur album Octahedron. Alors ça du côté franco, on a entendu nos amis de chez Les Incendiaires, avec La Menace Digitale, c'est stable. Et vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou, c'est vrai. Une pièce qui ne se terminera jamais, je crois. Voilà, voilà. Les palmarès, c'est fou, c'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On a un top 20 francophone, un top 20 anglophone. On se rend jusqu'au numéro 1 d'ici à 20h. Il nous reste environ un petit peu plus d'une heure. Hein? C'est vrai. Je vous rappelle que la semaine dernière, nos numéro 1 était Omnicron avec The St. Catherine's et la pièce Vedette. Alors que du côté anglophone, c'était New York Dolls et Cause I Says So. Ça pourrait être encore ça. De chaque côté, ça se pourrait. Ça pourrait aussi ne pas l'être. Hein? C'est un peu le même que ça marche. Et vous allez devoir rester avec nous jusqu'à 20h pour le savoir. À partir de 20h, ben, c'est la dernière porte à gauche jusqu'à 21h. Puis après ça, c'est les lutins de l'enfer. Donc, votre soirée est bien, je dirais, paramétrée pour essayer de dire c'était en français. Ça marche pas bien, bien. Hein? Mais bon, disons qu'elle est arrangée de même. Puis restez là. Hein? Sympathique. On est rendu aux positions numéro 6. Ouais, du côté anglophone, on retrouve Steve Hill and the Majestics avec Lost Woman qui monte de deux places. Mais tout de suite, voici... Oh, mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? La sixième position francophone, c'est Omnicron avec Vedette. Donc, on a un nouveau numéro 1. Oh, que oui! Omnicron avec The St. Catherine's et la pièce Vedette, l'ancien numéro 1 de la semaine dernière qui est maintenant en 6e position. C'est la fin de la deuxième heure des palmarès C'est fou, ce condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Au retour, dans la 3e et dernière heure, on va faire en rafale nos 5e positions ainsi que la 6e anglophone, Steve Hill. C'est au retour et il va y avoir plein d'autres choses, plein d'autres surprises certainement. On est de même, on surprend le monde nous autres avec de la bonne musique. C'est sur nos surprises. Restez là, c'est les palmarès C'est fou! Chérie,

L'apocalypse, tu bois l'éclipse comme une tasse. Crap Radio de la formation Voivod est en cinquième position. Ça monte de deux places. Et avant ça, on a entendu Chinatown et du jazz avec l'Apocalypse. Et ça, ça descend de deux places. Ça vient de l'album Cité d'or. Ah, comme les choses avancent, donc, c'est vrai, on est avec vous jusqu'à 20h. À 20h, ce sera la dernière porte à gauche, puis l'utin de l'enfer, c'est toujours le cas. Donc, 45 minutes de bonne musique, et on va se rendre jusqu'au numéro 1. On sait du côté francophone que Omicron avec des St. Catherine, ce n'est plus le numéro 1, c'est le numéro 6 maintenant. Mais on n'a pas encore entendu New York Dolls avec Casa SSO. Est-ce que c'est toujours le numéro 1? C'est ce qu'on verra bien d'ici 45 minutes. En quatrième position anglophone, on retrouve la très bonne formation de Doves et Winter Hills. Ça monte d'une place, mais avant ça, voici numéro et la pièce honneur. Et je vous rappelle encore une fois d'aller voir le www.assemblagerequis.com pour en savoir plus sur les palmarès C'est fou sur l'émission de ce soir. Et en plus, ce qui s'en vient dans la prochaine émission est la première émission d'Assemblage Requis. Et il y a plein d'autres choses à savoir là-dessus. Le 8 septembre, les émissions quotidiennes commencent. À 7h, il va y avoir la pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. À 11h, le dîner de con avec André et Dany. Et finalement, Assemblage Requis avec Kiwan et moi. Ça va être le gros party musical. Party de plaisir, party de choses. Et on va s'amuser ensemble. C'est ça le but de la chose. Et c'est vous divertir aussi. Ça commence le 8 septembre. Donc, encore une fois, numéro et honneur. Je me répète, mais c'est ça. Faut être clair dans la vie, t'sais. C'est Honneur qui commence par numéro et c'est assez fou 89.1 FM. Messieurs, l'heure est choisie. Ça fait longtemps que j'y pense. Bombarder l'édifice. Faire de la contrebande. Allons, lumière et diplomatie. L'honneur de la pression se mérite. Le coup de tête d'un père de famille. Si je comprends, c'est moi qu'on enlise. Ce sourire cache l'envie de trahir. Ne vous y trompez pas. Ma vie, j'la gâche et hâte de finir. Le sort est contre moi. Messieurs, la messe est dite, sortez. Les objets contendants, torture. Libère mon territoire, l'espoir est sur mon continent. Messieurs, je regarde le soleil jusqu'à me griller la rétine. Si je plonge, vous viendrez avec moi. Respiration profonde. Ce sourire cache l'envie de trahir. Ne vous y trompez pas. Ma vie, j'la gâche, j'ai hâte de finir. Le sort est contre moi. Ce sourire cache l'envie de trahir. Ne vous y trompez pas. Ma vie, j'la gâche, j'ai hâte de finir. Le sort est contre moi. Ah. The Doves et Winter Hill en position numéro 4 anglophone. Ça monte donc d'une place. Cette belle affaire, là. C'était beau. Hey, K-One vient d'arriver. Salut, Matt. Salut, K-One. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, un petit peu en retard. À plus, peine. Pire que mes habitudes. Là. Ça ouais. Paraît pas vraiment 2h20 dans une vie. T'sais. Non, pas tellement, mais étant donné que les palmarès sont plus longs maintenant, ça paraît moins. Tu vois, j'arrive puis les premières parties, ouais. Les premières positions sont pas encore passées. C'est vrai. On regarde ça ici. T'as raison de le résumer comme ça. C'est vrai, sont plus longs. Ils sont dans la même case horaire. On termine toujours à 20h, mais sont plus nombreuses les pièces dedans. Ouais, c'est ça. L'émission est pas plus longue, mais plus de musique dedans. C'est comme une marque de yogourt qui dirait qu'il y a plus de fruits au fond, tu sais. Moins de parlage puis plus de musique. Pas de fruits du tout, par exemple. On n'est pas très santé ici. Hein? On a plus légumes, nous autres. C'était tellement une belle blague. Du côté francophone, tantôt, on avait entendu numéro avec honneur. Et ça, c'était nos quatrièmes positions. On va se continuer ça, mais avant de continuer, parlons un peu. Parce que K-One, tu sais, il arrive comme ça, comme un cheveu sur les palmarès. Hein? Il y a des beaux cheveux d'ailleurs. Il commence à pousser en arrière un peu. Hein, c'est... Ouais, mon petit mulet. Ton mulet! Ça vient aiguiser un peu. Ouais, c'est un beau mulet. K-One et moi, on va animer Assemblage requis à partir du 8 septembre. Oui. Et ça va être une émission du retour, ça, mon K-One. Ben oui, c'est du lundi au jeudi de 15 à 17 heures. C'est à partir du 8 septembre. Ça va tellement se compléter, cette belle petite programmation de nouvelles émissions quotidiennes, parce qu'il va y en avoir 3 en tout, à part nous. Là, il y en a 2 autres. Ah oui, celle du matin de 7 à 9. Fait que va s'appeler la pilule du lendemain et sur l'heure du dîner de 11 à 13 heures, le dîner de con. Et puis nous, ben, 15 à 17 heures, donc tout est là. Puis il va y avoir d'autres émissions, des hebdomadaires, tu sais, comme on appelle, des gens d'émissions qui sont là chaque semaine et qui sont animés par soit des étudiants, des gens de la communauté. C'est ça, c'est fou. C'est un amalgame. Comme ça a toujours été, en fait. Comme toujours, mais avec des quotidiennes en plus du lundi au jeudi. Voilà. Voilà qui dit tout. Allez voir le www.cifou.ca pour voir des belles petites images de bannières de nos émissions. Et puis assemblagerequis.com pour plus d'informations sur notre émission à nous, qui s'appelle aussi Assemblage Requis par le fait même. Hein? Bon. On est rendu au numéro 3, t'as l'air dire? Ouais, non, c'est ça. Non, c'est vrai. C'est bien résumé, tout est beau. Ah, t'es fin. Du côté anglophone, regarde-moi donc ça, K-One. T'arrives juste à temps pour voir que le numéro 1 anglophone est descendu en 3e place. C'est New York Dolls avec Cause I Said The Soul. Mais avant ça, c'est la 3e francophone. Et la 3e francophone, ça monte de la 5e place, c'est 0-1-1 et la solitude amoureuse. Et c'est ce que voici tout de suite dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir jusqu'à 20h. Sur les ondes du 89.1 FM. It's crazy that! Et moi 01. Avec la solitude amoureuse, on prend une petite pause minuscule. Et peut-être quand même. De l'autre côté, la troisième anglo. Vous êtes au premier arrêt, c'est fou. Restez là. The mind of man rests on a delicate balance between reality and the world of light. The other, darker world below the threshold of consciousness. EBM, électro-industriel, synth-pop, gothique, les insomniacs, samedi, 23h. Hey, c'est Crazy Matt à l'entrepôt de C'est Fou, je suis fou! Liquidation d'inventaire, on a plein de musique pour tous les goûts! De l'anglo, du franco, y en a pas de tout, pas cher pour ça! Vous voulez être au courant de la meilleure musique de C'est Fou? Venez voir Crazy Matt. Puis tant qu'être là, venez voir notre grande section de chroniques, d'entrevues pis de concours! Et l'humour extrême de Vidon Ladon la question. Arrêtez d'être en retard, prenez de l'avance avec C'est Fou! Les palmarès, c'est fou parce que c'est moi qui est fou. Les palmarès, c'est fou. Les vendredis soirs de 17h à 20h, juste avant la dernière porte à gauche, sur C'est Fou 89.1 FM. Une présentation de Trois-Rivières Nissan et d'Énergie Nissan de Shawinigan. Crazy! C'est fou! C'est Fou est à la recherche de chroniqueurs étudiants pour la session d'automne 2009. 1000$ en bourse sont offerts. Envoie ton CV à dgcfou@uqtr.ca avant le 24 août. Aux oreilles. 89.1. Vous écoutez Les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. Yeah. L'ancien numéro 1 anglophone, c'est à la troisième position cette semaine, c'est New York Dolls avec Cause I Says So. Hey, pour pas une New Yorkaise. Il y a personne qui les appelle demain. Moi, je les appelle demain. Ben, ce serait pas pire comme nom de groupe. Et c'est ça, t'sais, un band québécois qui porterait ce nom-là serait vraiment laid, tu sais. Les poupées new-yorkaises. C'est ça. Ben, mais new-yorkaise, ça aurait non plus pas si rapport. Faudrait que ce soit quelque chose de plus proche, t'sais, de local, mettons. Ah, les poupées de Rimouski. Ouais, ou tu les poupées champlinoises. C'est quoi ta ville déjà, la tienne? Sainte-Manon, quelque chose? Ouais, Saint-Majorique. Saint-Majorique. Ouais. Sainte-Manon, je t'approche quand même. Sainte-Manon, ouais. C'est comment des Saint-Majoriquais? Je sais pas si Manon, elle a été canonifiée. Hein? Ah, c'est une bonne question, ouais, ça. J'ai l'impression que non. Tu sais, Sainte-Nancy, quelque chose, non? Ouais. Il me semble, non? J'irais là, moi. Mm. Je passerais par là. Ça, je sais pas. Ça veut rien dire. Bref, on vient d'entendre, comme on disait, New York Dolls. Et avant ça, c'était 0-1 avec La Solitude Amoureuse qui monte de deux places. On est presque déjà rendu dans nos numéro 1. L'émission se termine bientôt. Il nous reste quoi, 25 minutes avant 20h. Après ça, à 20h, ça va être la dernière porte à gauche. Après ça, à 21h, ça va être Les Lutins de l'Enfer. Quelle soirée. Hein? T'sais? C'est les soirées habituelles du vendredi soir. Ouais, c'est pas mal la même affaire que depuis toujours. Ça fait un petit bout. Ça commence à faire longtemps que c'est cette horaire-là, mais justement, pourquoi changer quelque chose qui marche? Hein? Puis, pourquoi? Pourquoi? C'est tellement des bonnes émissions sur une bonne station. Non? Ben oui. T'as pas assez convaincant? Ben oui, tout à fait. C'est la vérité. Très bonne station qui aura de très bonnes émissions quotidiennes à partir du 8 septembre. Rappelons-le encore, hein, Kiwan. Ben oui, l'émission qu'on va animer ensemble, toi et moi, Assemblage requis de 15h à 17h et les deux autres. C'est-à-dire le matin, il va y avoir la pilule du lendemain avec Marc et Sylvain à 7h et puis à 11h, le dîner de con. Hein, faut le dire. De con. C'est le même qui s'appelle. Je suis pas sûr qu'il y ait un accent sur le con, par exemple. Non? Ça, c'est de ton cru. Je peux-tu le rajouter? Y a-tu un accent sur le mot cône? Con, peut-être, non, je pense, ouais, peut-être, là, mais, ouais, mais c'est pas le con. Dîner de con. De con. OK, bon. D'accord, Kiwan. Pas d'accent, bon, mais on va dire juste le dîner de con. Voilà. Ça, c'est à partir du 8 septembre. Allez voir si vous pouvez essayer pour en savoir plus et allez sur assemblagerequis.com pour en savoir plus sur notre émission Assemblage Requis. Il y a un beau petit décompte là, qui vous dit qu'il reste quelques jours à peine. Allez voir là-dessus, vous allez voir quelque chose d'autre que ce qu'on vient de dire, mais quand même, c'est à peu près ça. Allez voir assemblagerequis.com. On va faire ça, je pense. Ça va être plus clair. Ouh, c'était pas très clair, hein, ça? Et que c'était pas clair. Numéro 2, tiens, du côté anglophone, ça monte de deux places. On retrouve Snoo avec Stand Up High. Mais tout de suite, on écoute la deuxième franco. C'est les Fatales, Picard et Le Combat Ordinaire. Au palmarès, c'est fou jusqu'à 20h. As-tu noté l'accent sur Fatal? Fatal. À ma machine, une vie transparente, soudée à mon usine, la casquette de travers, j'avais la classe ouvrière, c'était toute ma vie, mon droit à la misère, jusqu'à cette lettre qui dit encore merci, c'est ça au RMI, dans ce faubourg de Varsovie, j'ai rien contre la Pologne, à part peut-être un pape ou deux, mais dans ma ville du Nord, le gris du décor est plus bleu. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire. S'il existe un dieu pour les mineurs syndicalistes, j'espère qu'au paradis, les anges sont un peu marxistes. Chez nous, le chômage fait partie de la famille, comme l'amiante, l'oubli, la silicose et les terrils. Quantité négligeable dont la vie ne tient qu'un fil. Certains soignent la peur du vide à coups de 21 avril. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire. Moi je sais souder

Stand Up High de la formation Snoo monte de deux places en deuxième position anglophone. C'est leur album qui s'appelle aussi Snoo. Oui, avant ça, c'était la deuxième francophone, les Fatal Picard et le Combat Ordinaire. Encore l'accent, hein? Il est toujours présent. Fatal Picard. Non, mais c'est pour marquer la différence entre Pascal et Fatal. Ah, là, tu vois, là je comprends ton principe. C'est comme, tu sais, mettons, assemblage requis, c'est pour différencier avec, mettons, une boîte que serait écrit assemblage requis dessus. On pourrait dire assemblage requis. Ouais. Hein? Ouais, on pourrait faire ça. À partir du 8 septembre à 15h, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ben, tu sais, on s'en reparle. On va s'en reparler. On va s'en reparler. Du lundi au jeudi de 15h à 17h à partir du 8 septembre, on ne dira jamais assez, apparemment. Hein? Non, jamais. Jamais. Alors, on est rendu déjà à nos numéro 1. Le temps passe vite dans cette nouvelle formule avec 20 pièces de chaque côté. Vous voyez que maintenant, on va passer les numéros 1 proches de la fin de l'émission, ce qui a du sens, hein? Ça va être cohérent peut-être un jour, ce palmarès-là. Il n'y aura plus 45 minutes de n'importe quoi à la fin des palmarès, c'est fou. On aime ça. On pourrait même, tu sais, dans le meilleur des cas, peut-être avec le futur, on pourrait passer d'autres affaires avant les numéros 1 puis s'arranger pour que les numéros 1 finissent bing-bang à 8h. Ce serait le fun, hein? Un jour. Ouais, ça, je pense qu'il fallait que tu me le dises en privé, là, mais c'est pas grave. Non, mais tu sais, puis aussi, je pourrais aller aussi sur Internet chercher des affaires, puis mettre... On se prépare en ondes, c'est le fun. Donc, est-ce que je te laisse l'honneur de faire des jeux de mots avec les numéros 1 cette semaine? Ou, C'est ça, c'est pas parce qu'on change de formule, hein, qu'on change les manières de faire des jeux de mots. Moi, ouais, ben, j'aurais peut-être pas dû t'en parler, peut-être que tu l'aurais oublié, mais... Oh, mais tu sais, Kiwan, j'ai pas le choix, tu sais. Ouais, je sais que c'est une obligation. Tu sais? Comme dans la pièce « Tu sais » de Mimi Vandalo. Ah, OK. Tu m'auras pas avec ça, toi. Ouais, c'est, faudrait peut-être expliquer aux gens que c'est parce que « Tu sais », en fait, c'est une contraction de « Tu oui, sais ». Oui, ça, on aurait pu comprendre aussi. Je voulais juste être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Être clair. Hein? Ouais. Pour pas, disons, briser les règles du jeu de mots. Tu comprends? Voilà. « Can't break me » de Standing Walls, qui est le numéro anglophone. C'est à peu près ça que ça donne, les jeux de mots, hein? C'est de même depuis genre 5 ans. En premier lieu, on va fermer les rideaux. Puis ça, partie de la mauvaise pièce, c'est depuis à peu près 5 ans aussi, je dirais. Fait que maintenant, vous êtes au courant de ma carrière. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Les numéros 1 sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Les grands numéros 1 de nos palmarès, c'est fou. Avant de mentionner le titre et les artistes des numéros 1, faisons un petit récapitulatif. En troisième anglophone, on retrouve l'ancien numéro 1, New York Dolls avec Cause I Said So. En deuxième, ça monte de 2, Snoo avec Stand Up High. On vient d'entendre Standing Waltz qui monte de la troisième avec Can't Break Me. Du côté francophone, en troisième position, on avait 0-1 avec La Solitude Amoureuse. Ensuite, on a entendu la deuxième, Le Combat Ordinaire des Fatales Picard. Et ensuite, comme toujours, accompagné d'un jeu de mots douteux et malaisant, on a entendu la première position, Mimi Van Der Glo et la pièce T. Les insultes, toi. Mais non, c'est amical. Moi, je suis supposé en plus mentionner qu'à 20h, tu vas animer ton émission à la dernière porte à gauche. C'est ça que je suis supposé faire, je te gage. Parce que là, ça peut paraître là, pas gentil ce que j'ai dit, mais il faut s'imaginer que c'est accompagné d'une bine sur l'épaule. Ah, là, ça devient super drôle. Hey, c'est cocasse au bout. Merci, Kiwan. Il nous reste juste assez de temps pour aller entendre une pièce qu'on a sautée au début de l'émission en 17e place. Elle était stable. Tout de suite, voici The Get Down et This Is The City. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. This is the city. What has become? This is the city. Lundi pour la toute première émission de Assemblage requis, ne manquez pas à la chronique d'actualité politique de François Landry. Et dans la capsule technologique CNX, on parle de gadgets. C'est à Assemblage requis, lundi 15h. Et ça, c'est ce que vous ne devez pas écouter du lundi au jeudi, la semaine du 31 août, hein, parce que nous, on commence le 8 septembre. Donc, écoutez pas du lundi au jeudi, les 31 août, 1er, 2 et 3 septembre, là. Écoutez pas ça, mais si vous vous adonnez, mettons, à tomber dessus, c'est peut-être ce que vous allez entendre le 31. Ben, c'est sûr que vous allez l'entendre parce que vous êtes branché sur ces fous tout le temps, de toute façon. Toujours, donc soyez là lundi 31 août, entre 15h et 17h, mais n'en parlez pas à personne. Voilà. On vient d'entendre The Get Down avec la pièce This Is The City et c'est ce qui va pas mal terminer nos palmarès pour cette semaine, hein, Kiwan? Ben oui, c'est terminé déjà. Déjà. Et ce qui s'en vient à partir de 20h, c'est la dernière porte à gauche que Kiwan anime. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il va y avoir à la fois beaucoup de palmarès et beaucoup de nouveautés parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés du côté franco dans les palmarès, des albums intéressants qu'on a reçus récemment, celui d'Elephantine, celui de Mille Monarques, des nouveautés de Orange Orange aussi. Et une heure de musique francophone, comme d'habitude. Bon, ben ça va être bon, ça. C'est la dernière porte à gauche. Ça commence à 20h ce soir, tout à l'heure. Et après ça, à 21h, restez là pour les lutins de l'enfer. Hein. Oui. Ils sont là, eux aussi. Et la programmation d'automne de C'est fou commence ce lundi 31 août pour les émissions hebdomadaires. Les quotidiennes commencent le 8 septembre. Mais commencez déjà à écouter C'est fou. Continuez comme vous le faites. Vous le faites si bien. Ben oui, puis vous pouvez aller zioter la grille horaire de C'est fou au www.cfou.ca. Il y a tout là-dessus. Il y a même la balado diffusion d'une entrevue que Kiwan a fait avec le groupe Chien d'Or qui sont en spectacle ce soir-là. Ben oui, c'est ce soir, vendredi, le 28 août, au Charlot. Donc prenez votre voiture, écoutez Kiwan faire son émission. Puis après ça, entrer, voir le spectacle, puis revenir, puis espérer que c'est pas terminé pour l'émission de Kiwan. Ratez l'émission de Kiwan, finalement, à écouter la pop. Hein? Ben si il le faut. Il le faut. Faites donc ce que vous voulez. Faites-le, s'il le faut. Et n'écoutez pas Assemblage Rocky lundi là. Salut. Bye. Salut, Matt. Bonne émission, Kiwan. Merci. C'est décousu et ça veut rien dire tout ça, mais c'est pas grave. Les palmarès C'est fou ont été présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan.